nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour Hent ar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gerioù ar Vuhez, l'émission Perran Nav war Nugen 429. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri ? Alors aujourd'hui, on voit un mot qui n'est pas un mot très rare, mais enfin, qui, actuellement, il est pas mal utilisé. C'est Jubénour. Jubénour, donc, interprète. Alors en fait, le mot Juben tout seul suffit. C'est un mot masculin qui veut dire un interprète, un traducteur, et dont le pluriel est jubénet. Mais en fait, il se trouve que dans la langue courante, on a plutôt tendance à utiliser la version longue, jubénour. Et à ce moment-là, le pluriel, c'est jubénourien. Voilà. Alors, c'est un mot qui a été emprunté à l'ancien français, qui était drugement, assez curieusement, qui a donné en français le truchement. Truchement, qui est un mot qui est un peu désuet aujourd'hui. On dit plutôt à l'intermédiaire, hein, par le truchement de. Hein. Voilà. Et donc, le mot truchement lui-même est un peu désuet. Alors, en breton, donc, jubénour, hein, ou jubéna, c'est un interprète. Alors, bien sûr, un interprète, c'est quelqu'un qui fait passer d'une langue à l'autre. Donc, par exemple, à la Commission européenne, à Bruxelles, il y a plusieurs milliers d'interprètes, puisqu'il y a de nombreuses langues européennes, bien que l'anglais soit la langue dominante quand même, mais bon, il y a quand même nécessité de traduction, puisque normalement, les textes doivent être traduits dans les langues qui sont officielles. Donc, alors, il y a une petite différence entre le traducteur et l'interprète. L'interprète, c'est plutôt à l'oral, tandis que le traducteur, c'est plutôt à l'écrit. Et est-ce que Jubénour est utilisé pour un interprète dans le milieu artistique, comme on dit interprète? Ah non, justement. Pas du tout. Non, justement. C'est, en fait, l'interprète n'interprète pas. Il doit dire exactement ce que la personne qui est traduite dit, quoi. Il s'approprie pas le message, quoi. Ça peut quand même peut-être s'employer, mais enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Jubénour, quand on entend Jubénour à la radio, par exemple, c'est un interprète au sens traducteur quoi. L'interprète qui interprète, c'est pas bon normalement. Il doit répéter. Alors évidemment, c'est pas très facile parce que chaque langue a son génie particulier. Et en fait, quelqu'un disait, hein, en italien, on disait traduttore traitore, hein, traitor, on trahit toujours un peu, quoi. C'est très difficile de rendre, parce que chaque langue a sa... Et d'ailleurs, on le voit bien au niveau des textes européens, le fait que la plupart soient d'abord des textes en anglais entraîne une certaine vision du monde. C'est-à-dire que dans chaque langue, en fait, il y a une vision du monde. Et donc... L'interprète ajuste le mieux possible. Mais bien sûr, on voit bien que, par exemple, quand on raconte une histoire en breton et qu'on la traduit en français, elle perd la moitié de sa force. Tous les jeux de mots, évidemment, ne peuvent pas être traduits. Et puis même, en fait, un mot français ne correspond jamais à un mot breton. Exactement, quoi. Et inversement aussi. Et inversement. Alors, j'ai entendu, là, il n'y a pas longtemps, parler sur RKB d'une formation pour interprète en langue bretonne. Donc, ça commence à se faire, hein, pour que des choses faites en breton puissent être traduites en français, quoi. Voilà. Alors, et bien sûr, il y a d'autres dérivés, par exemple, jubénant. Jubénant ou jubénine, qui veut dire, traduire. Dans le participe passé, c'est jubénet. Hein. Alors, je disais que quand on parle de traduction, on dit plutôt train. Train, donc pour traduire. Et une traduction, c'est une troïdigues, c'est troïdigues, hein. Troïdigues de zur galag brezondeg, hein. Diwar galag brezondeg, par exemple. Dans un sens ou dans l'autre. Troïdigues, hein, pour une traduction. Il y a un adjectif aussi qui est troaple, qui veut dire traduisible, justement, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas traduisibles. Voilà. Donc, je crois que c'est un mot à retenir, parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, quoi. Hein. Alors, il y a toutes sortes d'interprètes. Par exemple, il y en a qui traduisent la parole en langue des signes, par exemple. L'interprète en langue des signes. Hein, je pense à ça parce que c'est un petit peu particulier. Hein. Au lieu de passer d'un oral à un autre oral, c'est un oral qui passe en geste, quoi. Et puis, on peut imaginer toutes sortes d'autres interprètes, hein, en fait. Voilà. Il pourrait y avoir des interprètes gallo-bretons, par exemple, et breton-gallo, hein, pour les bretons, par exemple. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezhoneg, temps m'attend. Aujourd'hui, pour le Brezhoneg temps m'attend, on va faire un peu du guerrier hors vue, parce que l'actualité nous y conduit. J'ai pensé reparler du mot Breiz. Breiz, hein, qui désigne la Bretagne. Breiz, sans article, hein, Breiz tout court, la Bretagne. Hein. Breiz Meubro, hein, etc. Alors, donc c'est un mot celtique, hein, qui vient du latin Britia, avec deux T. Et qui est passé par le latin, en fait, hein, mais qui est un mot celtique au départ. Et donc, ça désigne la Bretagne. Alors, je parle de ça parce que on vient de nous livrer une nouvelle carte des régions le 2 juin 2014. Et en ce qui nous concerne, c'est la même que celle de Pétain en 1941. C'est-à-dire, on nous refait le même coup, hein, de la Bretagne tronquée, amputée de la Loire Atlantique. Voilà. Bronan, où est-ce qu'on est, nous, hein. Le pays de Nantes. Donc, je me suis dit, c'était intéressant de reparler un peu de ce mot Breiz, là, qu'on avait déjà traité. Alors, curieusement, quand j'étais gamin, le mot Breiz était très peu employé, hein. On disait Bretagne, hein. Mm-hmm. Bretagne en main, quoi. C'était, pratiquement, on trouvait le mot Breiz que dans les chansons et dans les cantiques. dans des écrits. C'était un mot, pour nous, c'était un peu un mot savant. Hein. Aubreizme Bro, hein, voilà, il y avait Kous Breizizel aussi, oui. Hein, la chanson qu'on chantait dans tous les mariages. Il y avait au moins une personne qui la chantait. Les autres étaient frustrés. Parce que, bien sûr, beaucoup de gens connaissaient ça, quoi. Et donc, Braise, c'était un mot, hein, pour nous, un petit peu, un mot savant, en fait. Alors, curieusement, Breizizel avait un peu le même sens. C'est-à-dire, quand on disait Breizizel, Kous Breizizel, hein, Kous, Kous Breizizel, Bro dispart. Quand on disait Breizizel, on pensait la Bretagne. Mm. Il y avait déjà, alors, on assimilait la Bretagne à la Basse-Bretagne. Puisque Breizizel, c'est la Basse-Bretagne, et Breizuel, la Haute-Bretagne. Voilà. Donc, qui se réduit, la Haute-Bretagne, c'est ou Bretagne galaise. Mm. Alors, les Gallos disent Bertaigne. Hein. Bertaigne, avec l'inversion du R et du E, comme toujours en gallo. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Bertaigne Galaise, hein, qui veut promouvoir la langue du pays gallo, le gallo. Hein. Voilà. Alors, par contre, on disait, pour les Bretons, on dit Bretonnedin. On disait Bretonnedin, non pas Breizat. Alors, le mot Breizat, c'est le mot dérivé de Breiz, hein, et qu'on trouve par exemple Breiz, on va trouver ça déjà dans le dictionnaire de Grégoire de Rostronin, on trouve Breiz avec un Y, B-R-E-Y-Z. Par la suite, on l'a écrit avec un I, et puis on a rajouté un H dans le breton pour une vanne, hein, pour rappeler que la prononciation de dans le pays vannetais est un peu différente. Hein. Voilà, c'est le ZH. Alors, donc on dit Bretonnedin, hein, et puis comme c'est un mot pluriel de personnes dont le pluriel n'est pas en OU, ça donne une mutation en Bretonnedin. Hein. Voilà. Par exemple, le cantique de Sainte-Anne, on dit « M'emmeni trône varia, à m'en meur Bretonnedin, hein, » mère de la Vierge et mère des Bretons, mmh. Sainte-Anne, qu'il est devenu officiellement, tiens, ça fait 100 ans, en 1914, hein, Sainte-Anne est devenue officiellement la patronne des Bretons. Voilà. Alors, les adjectifs, hein, qui sont dérivés. Alors, Breizat, c'est breton au sens des personnes. Hein, bah, le pluriel, c'est Breizis. Hein, et Breizek, c'est pour des objets, plutôt. Des objets ou des choses, oui, plutôt matérielles, quoi. On va employer Breizek. Alors, Breiz, c'est un mot féminin, hein. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir, par exemple, Breizveur, hein, qui désigne la Grande-Bretagne. Great Britain, hein. Et alors, en anglais, la Bretagne, c'est Brittany, hein, qui a été popularisée par la Brittany Ferry, hein. Mais bon, très... Voilà, Brittany, la petite Bretagne ici, quoi. Alors, donc j'ai parlé de l'orthographe. Alors oui, justement, on nous a resservi une carte. Je sais pas comment ça va évoluer. Hein. Ça peut évoluer un peu dans tous les sens. Mais enfin, bon, normalement, on a dit que les départements ne pouvaient plus changer de région. Donc apparemment, la carte serait quand même... ne serait pas négociable. Mmh. Elle le sera sûrement un jour, hein, mais peut-être pas dans l'immédiat. Alors, on nous a refait le coup de la Bretagne à 4 départements. Voilà. Alors là, en plus de... Alors ça, c'est... Donc, les 5 départements, c'est la Bretagne historique, hein, celle qui a été rattachée à la France en 1532, et puis qui avait, en fait, disparu en 1790 à la création des départements. Et puis, qui après, c'est revenu... Il y a eu un semblant de régionalisation en 1941 avec Philippe Pétain, chef de l'État à l'époque, celui dont on a enlevé le portrait dans toutes les mairies, là, maintenant. Mais enfin, qui a quand même existé. Et la preuve, c'est que les lois qui ont été promulguées, enfin, les décrets, n'ont pas tous été abrogés. En particulier celui-là. Et si bien que la Bretagne se retrouve toujours de la Bretagne de Pétain, en fait, quoi. Et alors, il y a une autre Bretagne, qui est la Bretagne de cœur. Morvan Lebesque disait, la Bretagne n'a pas de papier. Et donc celle-là, c'est chacun à la sienne. Hein. Donc, et d'ailleurs, on voit que il y a beaucoup d'organisations en Bretagne qui s'étendent aux 5 départements de la Bretagne historique. Produits en Bretagne, par exemple, et bien d'autres. Hein. Il y a beaucoup de fédérations sportives et culturelles qui englobent les 5 départements. Voilà. Donc on n'est pas prêt d'avoir une définition claire de la Bretagne. Et ben on, la prochaine fois, quand ce sera clair, on reviendra. Très bien. On passe à la troisième partie d'émission, Petrazone Vervo. Troisième partie d'émission, Petrazone Vervro Eri. Kas draouzone Vervro Bouervej diouzan. Krogom de Diantan vel custum gandala bourdour a gevu e war armez. Au nom de zun trevad ou en goun le zo e breiz, e nitu, pe guinis du, e blas ou velard de nitu, l'erel, velard guinis du. Hag boe meurs de Douvildik, zo pes velard de NIGP, hein, ze zo indication géographique, vide nitu, breiz, hag galak velard ze blé noir traditionnel de Bretagne. Tradition Bretagne. Hag wardro per Milton vegret, hein, de zenituz, bepla, breiz. Bon, digas ve bleu de zlerhel, hein, de zbrochina, de z manchourie, de zlerhel, mais me mestra vegret, per Milton, breiz. Hag matrezen ve febe don trava de, quand mur y tu puis vidor pis vegren en mort gantant bleu ta à crampouz à bob sort trop ba fine misme wabed ba bazambrie ge salon sterali vel bepla a gaz zo bed de calze dud hein calze dud à calze londe hein il vel juste et vel kis a custume. A vraiment ve comme ze roast de ze salon space hein vo ba Miss Gwengolo ou ba Raun hein ba Miss Gwengolo mais de se vo hat comme ze Benahan dans vraiment un temps voir d'achener politique et res deux heures votade go vite bro repas ne meus que roi de l'art cal ze dran et vel juste vel tout d'un démocrate dans de bit dipite hein gwel de or vo ze du au les dans la divante le pays monte le tientor, ou à le drévras. Mais dis seulement qu'on, que, comme se fait calzer marément de ze, had froma dur un tiriadou, réforme territoriale, ag, bon, comme ze zobé de ze bub sort trop, là où avigé bestag, et breis gand, bro ligger atlant, bro ligger, hein, pesvela pays d'oire, une galac. L'arzo vigé bit stag et bronang ne de ce poitou charan, de bub sortro. Bon, bénéfine, zo bilar ne vaut que change de brace. vous grand Chaumont, grand Velmont, grand père département, ag de vous que staget bro, hat staget bro naunet, deux breis, ag vel jus, calz et duds, au dipit ganzi, puis dur, bonne vretonne, des vel jus, calz et vretonne, bop de jonge, je vais faire bidon dravad, hat zivel breis, veloir og pétain, puis dur babla au nan à de hugen, ou à bédis staget. Mil dohan on an ad a-ugen. Bon, gwellet vo pe sa mod vo kont l'arzo, mammes, ma trezen vo hat gwellet en traze, pu dure hal febro naunet, votan vid de vout rastag de vreiz. O anke pe sa mod vo kont, zura vo kalz heureuz, ba rog vo gred en trou. Bon, dans mon tam nahen war dachen a zevenadur, bon, kalz draug zo ur mar emant vid a zevenadur, neus ket gwall belzo, pa de zun diouz an miz me, oa red adek, evit an brez anek. Hag lans en eus deus montourlus, dont bet a gronel gant op ur 1500 kilomet. Hag bon kalz de blijad ur zo bet, tram de ma di en trau, mi meus bet blijad ur bopet gwall de red adek o tram en ba bourpurut, tont deus an igoud en a hont deus dremalgat. A waler ba rostren hag bon pe oa eru ba gronvel vel just oa zon erien o rotas, hein, pe dior oa gwell un drujen gol, hag kalz oblijad oa mesken dud, hag bon zizo dravad vid an brezhoneg, hein, diski nom ke martri oas, hag zo moyen d'or trau vid an brezhoneg. Bon, komzoren juzma deus... deus un gwell un drujen gol, blan me oa kalz dud, hein, ba gwell un drujen gol, hag bon, blan me zo rent de inor, zo inor de Yassan Guégan, puis dur Yassan Guégan, zo randa an mag an tout de zon erien, hein, hag an kalz dud hendel, hag neus degla a perugen, blan me, hag degla a trugen zo, ma son gant un glarinetten, a bop de zon a matre, hein, bon zon en eus vid de Roncourt, de Zul de Beur et gant Tristan de Gouagin, hag bon dud oa ga eze brau tri gwell ya saint o son droaz tien kouls vel gwegel hag bon setu peso roaz de l'ar ad warze ya saint gregan zon den hag blichtan treuskaz de reyaon pezoara un tonio neket on an den de vir o de vitan pezoar. A setu bon, l'arm salut tan ma vefebet o chilao, petan man un dud alfe l'artan zo bekomz de teusan. Ya saint oa deus gant ba plonne, dekaperug un glaso, hag ivreud ur zon e, tout d'une jon jo roar ba vreud eus Félix a job wegan, hein. Zon erien ampard war a glarinetten, war an akordeon, zo war beup sotro. Peon komz de zevena dur ar vro, juzmad, zo kalz bladenou ave imbandet bromo, vel bopet, hein, gos koude oa babrohal bez ne betet kalz bladenou, med ur bladenou ve imbandet, med amma babreiz zo kalz. Un DL ou à Balarion ou à Gredor Fesnons, vide plat d'un long de fal, à plat d'un strola de neve, à l'aise, à zo bécal de dud, hein, à d'un gal de prenant ur plat de nos hommes. À zo clève, hein, ou à arcabé ve clède ur plat de nos hommes. Hendel, me sclève de Yassoix Sibéril, ne sgrède au nom, hang ne dick, puis on ne ni oa gret no a rog, zir a no a gonan zir a dek. Hag un triant me zang ne zo labourat d'or o blad en el, gwell aret zo kaj e dud hor tro e beb sort. Peve komz e deus ur brezon eg, bon, ve komz e deus tro ou braz vel ar edad eg, me tro el zo, hein, da skouer ba rostren zo be hanve da ur plard de skuzu leur barous, evit ober war dro ur brezhonek, hein, et Cécile Lefren, zo bet de dilen de vid ur votade goudiouz an aze, hag zo karget de ze brezhonek ba rostren. hag bon zezo an dravad evel just o zeb lant mat vid an brezon. Bon, setu jonge alran mem gen an tamp tro war pesonne ve an vro, a setu la an dar tien ar vegel chilo erien, RKB. Kena wegel eri.